Money, NAPS. Chargé sur la A7, tranquille, 2 as ou 2-7. All in, de Marseille au pont de Sèvres. On te livre, mais cache la recette. On kill, cabo dans le gamos. Hombre, vamos. Flammé comme les narcos. J'ai planqué le matos. C'est vrai qu'elle est bonne, lampe et des tonnes. Réclame à bonne, j'fais la poke et du fun. Moteur qui ronronne, petit polo stomp. J'aime les grosses sommes, j'te prends pas pour une conne. En roue arrière sur la chaussée. On est jamais en bateau comme Sosé. Tout ce qui t'a risé comme Rosé. Nous invite pas dans ta fiesta. Comme Rosé, nous invite pas.